quelles qu'en soient les répliques que le monde veut faire pour répliquer à la Bible, vous devez vous en éloigner. C'est pas parce qu'il y a eu des modèles de femmes dans la Bible, dans le monde qui a eu le président. Je connais une femme qui est chef d'État. C'est pas ça le modèle. Ça, c'est le un. De deux, dès le départ, elle n'occupait pas ses fonctions. C'est la lutte féministe qui les a conduits dans là-bas dedans. Vous prenez n'importe quelle armée du monde, vous allez voir qu'initialement, ce sont des hommes. Mais maintenant, chaque constitution, on va dire que maintenant, des deux sexes. Parce qu'on veut donner l'égalité à les deux sexes. Bonne soirée, vraiment. Oui. Bonne soirée. Donc, une chrétienne. Ouais, frère. Oui. Donc, une chrétienne doit. Une chrétienne qui est dans cette position. Excuse-moi d'insister. Une chrétienne qui est dans cette position doit dire. Doit donc. Ne dis pas. Toujours là, tu sais, je veux en les boîtes de bon livre encore des chèvres, de mes douleurs en toute la voie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'on n'ait plus n'y passera. Moi j'essaye de la vivre en vain. J'essaye de faire. Bon, c'est vrai que. Pour voir la journée. Mais maintenant, ça c'est le cas du Seigneur. Le sujet du Seigneur qui se fait être dans une personne. Elle doit démissionner. Il y a des femmes qui ont des où elles doivent. Combien de fois mon âme elles ont failli encore plus longtemps. Combien de fois mon esprit en moi se la langue m'assiste à moi. Moi seul le désir de mon cœur et de vie. C'est là que Jésus sera là, c'est là que